Section 86 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 16, quatrième partie. Gengis Khan et l'Empire mongol, suite. Par Léon Kaoun. Destruction de l'Empire Kharezmien. Il fallait que le sultan de Kharezm, de Perse et de Transoxiane fut vraiment aveugle pour ne pas voir approcher l'orage. C'était d'ailleurs une pauvre tête, avec tous les défauts de sa race, vrai turc, ivrogne, emporté, têtu, sans aucune des qualités qui ont fait d'autres turcs si grands le sérieux dans la conduite, la sûreté dans le coup d'œil politique et militaire, le solide bon sens. Depuis qu'il s'était fait appeler deuxième Alexandre, après sa victoire sur le Kourkan, vieilli et trahi, Mehmed le batailleur ne doutait plus de rien. La Perse méridionale, l'Afghanistan, les marches de l'Inde étaient partagées entre une quantité de seigneurs féodaux, la plupart turcs d'origine, se donnant le titre d'Atabek, père gouverneur, et se réclamant, envers et contre tous, du souverain spirituel, du calife de Bagdad, qui leur vendait le privilège de sa suzeraineté. Le batailleur lui-même n'était que le délégué du calife sur l'héritage des Seldjoukides. Attaquer les Atabeks sans demander au pape de Bagdad son autorisation, c'était se révolter contre lui, commencer une querelle des investitures. Le pape protesta, le batailleur se fâcha et dans un excès de colère marcha tout droit sur Bagdad. En même temps qu'il se brouillait avec le pape de l'islam, le batailleur s'aliénait ses propres sujets. Dans un accès de fureur, après boire, il fit tuer le cheikh Majd el-Din de Bokhara, la plus haute autorité musulmane de son empire, le primat de Transoxiane, l'accusant d'être l'amant de sa mère, la vieille Turkan Khatun. Dégrisé, il sentit sa faute. La vieille impératrice était une Kankli, adoré de tous ses reîtres, chez lequel la voix du sang, la parenté féodale, était si puissante. Le clergé de la bigote capitale s'agita, prêcha dans les mosquées de Bokhara. Le sultan envoya un plateau rempli d'or et de pierreries au cheikh Nebj el-Din Kubra et lui dit « De ce mien péché, donnez-moi l'absolution. » Le cheikh répondit « Ce n'est pas une rançon d'or et de pierreries, mais votre tête, la mienne, et celle de tant de milliers du peuple qui paieront. » Par ses agents musulmans, le Genghis Khan était informé de tout. Il reçut même une ambassade du calife qui le pressait de commencer. Mais, toujours correct, il ne voulut rien conclure tant que le sultan de Kharezm n'aurait pas rompu le premier avec lui. Cependant, il l'endormait, le faisait enguirlander par son ambassadeur. Ils finirent par conclure un traité d'alliance offensive et défensive, au bout duquel il y avait une petite annexe, toute petite, une simple convention commerciale qui donnait franc passage aux caravanes venant de Chine à travers le Turkestan et la Transoxiane, qui livrait au Genghis Khan la route de la soie, la grande voie vers l'Irak et vers Rome, ce que les Sassanides avaient refusé à l'Ilkhan turc du VIe siècle, au risque d'une alliance entre Constantinople et lui, le batailleur l'accorda, sans même y faire attention, comme une insignifiante bagatelle, à son terrible ami Temujin, et, le traité conclu, n'eut rien de plus pressé que de se jeter dans la sotte expédition contre le calife. Il conquit bravement les sultanies de Perse, s'empêtra dans les neiges d'Arménie et de Kurdistan et revint excommunié. Le calife interdisait de prononcer en chair la kotba, la prière pour le souverain, mentionnant son nom. Il le mettait au banc de l'islam comme rebelle, schismatique et félon. C'était relever tous les musulmans, ses sujets, de leur serment d'obéissance. Or, il y en avait assez, disposés depuis longtemps, à profiter de la dispense et à prendre ouvertement le parti du grand protecteur de tous les Turcs, de l'empereur inflexible. Les vrais patriotes du Turkestan, ceux qui voyaient clairement venir la tempête, les Kankli, offensés dans la personne de l'impératrice mère, les Kalach, offensés d'honneur, abreuvés d'humiliation, n'y tinrent plus. Le gouverneur d'une ville frontière brusqua les choses à la Turque. La grande caravane venait d'arriver de Chine. Il empoigna les marchandises et fit couper la tête aux marchands. Dénoncé par Nejm el-Din, excommunié par le calife, menacé par les Kankli, par sa noblesse, chapitré par sa mère et par son fils Celal el-Din, le malheureux batailleur n'osa pas désavouer l'attentat. Le Tchingis Khan lui avait envoyé 3 ambassadeurs pour demander réparation. Il fit décapiter l'un et chasser les 2 autres. Depuis 1 mois, Temujin avait commencé à masser des troupes sur l'Irtish. Dès que la bonne nouvelle lui parvint, il lança ses reconnaissances en avant pour se couvrir, dérober ses mouvements à l'ennemi et achever la concentration de sa grande armée. 1219. Du côté des Kharezmiens, rien n'était prêt. Avec une hâte fiévreuse, l'ardent Celal ed-Din, fils du sultan, rassembla ses contingents, enleva, bon gré mal gré, son père avec lui, pour que les bandes vissent leur sultan à leur tête, et courut à la rencontre des Mongols. À la fin de l'année 1219, après un premier combat livré entre le Karandag et le Basir Daria, Mehmed ne pouvait plus se faire d'illusions. Il prit le parti de rentrer en Transoxiane et de rassembler sa grande armée derrière le Sir, à l'abri des places fortes qui couvraient les points de passage. Mais, pendant qu'il activait ce que nous appellerions aujourd'hui la mobilisation de son armée, il lui vint une terrible nouvelle. Les Mongols étaient en Fergana. S'ils emportaient Khojend, la ligne du Sir était tournée, la route de Sogdiane et Samarkand ouverte. Un capitaine des Kharezmiens se jeta dans la place en toute hâte. Il s'appelait Timur Melik. Sa défense héroïque est restée célèbre dans les annales chinoises, aussi bien que dans les chroniques musulmanes. Un capitaine mongol, nommé Alak, le tueur, vint l'y assiéger avec 5000 hommes. Le reste fila vers le nord pour aller rejoindre la grande armée qui arrivait en masse sur le Sir, balaya la rive gauche et emporta Benaket au passage. La grande armée mongole achevait de se concentrer sur l'Irtish dès la fin de l'année 1219. Elle formait 3 rassemblements, l'un sous le commandement direct du Tchingis Khan, ayant avec lui son plus jeune fils, Touloui, le second sous le commandement de ses 2 fils cadets, Ogodaï et Jagatai, le troisième sous celui de l'aîné, Juji. Donnant à chacun de ses corps l'effectif normal et réglementaire de 30 000 hommes, ajoutant au corps impérial du Tchingis Khan 10 000 hommes pour sa garde particulière, on arrive à un grand total de 150 000 hommes. Quant au chiffre de 500 000, d'un million, ils sont pure fantasmagorie. Ce fut un coup terrible pour le sultan Mehmed. Lorsque, dans les premiers jours de mars, il apprit que la grande armée mongole venait de sortir des Sables Rouges, que les villes de Zernouk et de Nourata s'étaient rendues, et que le Tchingis Khan marchait sur Bokhara, il comprit que tout était perdu, et s'enfuit à Samarkand. Son meilleur général, son fils, le prince Celal ed-Din, voyant l'affaire désespérée, s'était jeté à travers le désert, courait vers Urgenj pour organiser la résistance. Le Tchingis Khan, dérobant sa marche, franchissait audacieusement le désert des Sables Rouges et venait déboucher en Transoxiane, droit sur Bokhara, dans le dos du sultan de Kharezm. La garnison de la ville, 20 000 hommes, disent les chroniques musulmanes, essaya de se faire jour, probablement pour aller rejoindre le sultan à Samarcande. Elle fut écrasée et Bokhara la Sainte ouvrit ses portes à l'empereur païen. Tous les cheikhs, les mollahs, les muftis, tous les habitants, grands et petits, sortirent de la ville, se mettre à la merci du khan. Avril 1220. Temüldin alla droit à la mosquée cathédrale, y entra sur son cheval, monta en chaire, fit tenir les chevaux de ses reîtres par les gens d'église, pour prouver à tout ce monde qu'il était bien l'empereur par la force du ciel, et que Dieu ne ferait pas de miracle sans sa permission. Un seyd dit à un mujtahid « Qu'est-il donc arrivé ?»« Tais-toi, seyd, » répondit le mujtahid. « C'est le temps de la colère de Dieu qui est arrivé. » Après avoir effrayé tout ce clergé, après l'avoir terrorisé, l'inflexible le sermonna. Il se fit conduire à la place des prières publiques, monta sur la grande chaire des prédicateurs devant le peuple assemblé. Là, droit sur son cheval, le casque en tête, il prêcha. « Ô peuple, l'énormité de vos péchés est manifeste. Je suis venu, moi, la colère du Très-Haut, moi, de par le Dieu Très-Haut, le terrible châtiment. » Pendant que le Fils du ciel prêchait, ses reîtres fouillaient la ville. La citadelle tenait bon, tirait sur tout ce qui approchait. Les flèches à fusée se croisèrent, le feu prit, et il ne resta debout que la cathédrale et les édifices construits en pierre. La citadelle fut vite emportée, sa garnison passée au fil de l'épée. De Bokhara, le Tchingis Khan courut à Samarcande, où le sultan Mehmed avait abandonné son armée. Il y avait là environ 40 000 hommes, désorganisés, démoralisés par la fuite du sultan et le départ de Jelal ed-Din. Ils acceptèrent bravement le combat, tombèrent sur les Mongols, pendant qu'ils manœuvraient pour investir la place, les ramenèrent avec perte et firent des prisonniers. Mais le lendemain, ils furent refoulés derrière les murailles. Le clergé, les bourgeois, prirent peur. Le cheikh ul-Islam et le cadi ouvrirent une des portes, pendant que la garnison défendait les autres et se faisait massacrer. La ville se racheta du pillage en payant une contribution de 200 000 pièces d'or, mais 30 000 hommes d'art et de métier durent quitter leur foyer, s'en aller à Karakorum, en Chine, en Sibérie, travailler pour le compte de l'empereur inflexible, de ses princes et de ses grands. C'est le commencement du système mongol, du recrutement à outrance, de la mainmise sur les ouvriers d'art, de la confiscation des industries au profit de la grande nation. C'est par leur brutale réquisition d'hommes que les Mongols renouvelèrent l'art, ouvrirent des voies nouvelles à l'imagination. La Chine leur dut le précieux bienfait d'être mise en rapport avec les civilisations occidentales et de participer pendant tout un siècle, 1260-1368, au vaste mouvement d'échanges qu'ils entretenaient sur tout le monde civilisé. En Chine, comme partout ailleurs où ils s'établirent, les Mongols provoquèrent une grande révolution morale en faisant naître des rapports entre des peuples jusqu'alors inconnus les uns aux autres. Paléologue, l'art chinois. On était au premier jour d'avril 1220. Les places du Cire étaient tombées les unes après les autres, malgré une résistance opiniâtre, en particulier au château de Khojend, où l'héroïque et chevaleresque Timur Melik tint bon jusqu'au dernier homme. En 5 mois, sans une seule bataille rangée, après 2 gros combats sous Bokhara et Samarcande, contre 100 000 hommes au moins, mal commandés, mal organisés, mais très braves, les Mongols avaient conquis le Turkestan, la Fergana, la Transoxiane. Leurs 4 armées se rejoignaient tranquillement sous Samarcande. Le Tchingis Khan put détacher 25 000 hommes pour la conquête de l'Ouest. C'était Djébé, avec Soubataï et Tchougatar de Kungrad en sous-ordre, qui les commandait. Je ne connais rien dans l'histoire militaire qu'on puisse comparer à cette fantastique chevauchée des 25 000 depuis Samarcande jusqu'à Théodosie et Odon. C'est la plus extraordinaire folie qu'on ait jamais faite à la guerre, une extravagance savante, un roman mathématiquement calculé, une absurdité raisonnable. Fourier de la grande conquête, il courait au galop, marquant le logement des armées qui mirent 15 années à les suivre. Les Persans, les Turcs d'Azerbaïdjan, les Arméniens, les Géorgiens, les Circassiens, les Alains, les Turcs du Kipchak, les Vénitiens de Crimée, les Russes, les Bulgares, les Bashkirs de la Mania-Hungaria virent passer, dans un tourbillon de poussière, l'étendard mongol infaillible, toujours victorieux. Il fallut encore de rudes efforts pour dompter cette foule de nations, mais ce fut en dehors de la route sur laquelle Djebe et Subutai avaient marqué les étapes de la conquête. Sur la piste même de leur chemin, après leur passage, personne n'osa plus regarder en face le drapeau mongol. Les instructions de Djebe portaient de serrer de près le sultan Mehmed, de lui couper le chemin du Kharezm, de l'acculer et de le prendre mort ou vif. Djamouka, Toktabegi, Güçlüg avaient appris au Tchingis Khan ce que pouvait un ennemi tant qu'on ne le tenait pas. D'ailleurs, le sultan était le souverain légitime. Lui vivant, le méticuleux Tchemoudjin ne se croyait pas en règle pour gouverner ses états. Il établit son ordou, quartier général et impérial, à la fois camp militaire et siège des bureaux et du gouvernement, dans la résidence d'été de Mehmed, un peu au sud de Samarcande, entre la ville et les montagnes. Belles prairies, verdoyants pâturages, eau courante, chasse superbe. Baber appelle ce pays Khan-i-Gul, la mine de rose. C'est de là que partirent Djebe et ses lieutenants pour en finir avec le sultan. La place de Termiz leur barrait le passage de l'Amou Derya. Ils franchirent le fleuve en aval, sur des treilles qu'ils improvisèrent. Ils intimidèrent Merv, la grande ville, emportèrent Zaver au passage, insultèrent tous l'ancienne Suze. À Nishapur, ils se réunirent. Le sultan y avait laissé grosse garnison. De suite, à la course, ils donnèrent l'assaut. Tougatchar y fut tué sans prendre la place. Mais l'assaut avait été si furieux que personne de la garnison n'osa plus sortir des murailles. Là, ils se séparèrent, Djebe filant par le nord, Subutai par le sud. À Rayi, le Téhéran actuel, ils se rejoignirent, sûrs que le sultan n'avait pu se sauver du côté du Caucase ou de Bagdad, et qu'il devait être au nord. Alors, tenant la piste, ils coururent ensemble jusqu'à la Caspienne, la mer des corbeaux. C'est là qu'ils le saisirent, mort, dans l'îlot d'Abeskoun, proche l'embouchure de la Gurgen. On venait de l'enterrer, si dénué de tout qu'il ne se trouva même pas un linceul pour l'envelopper, et que ses fidèles l'ensevelirent dans sa pelisse. Ses dernières paroles furent de piété. « Nous appartenons à Dieu et nous retournons vers lui. » Conquête dans l'Ouest, Caucasie, Kipchak, Russie. La mission accomplie, après cette course furieuse, il fallait se ravitailler et demander de nouvelles instructions. On envoya les nouvelles, le trésor, les prisonniers de marque au Tchingis Khan, avec un beau mémoire rédigé par Subutai, demandant la faveur d'être autorisé à conquérir la contrée des Kipchak. En attendant la réponse, Subutai et Djebe conquirent la Perse du Nord et l'Azerbaïdjan pour vivre plus à l'aise sur le pays, nourrir leurs troupes et les tenir en haleine. Rayi, Koum, Hamadan, l'ancienne Ekbatane, Kasvin l'Illustre, Zendan, Tebriz furent emportés en courant. Sur ces entrefaites, la réponse du Tchingis Khan arriva. Le mémoire était approuvé. Puisqu'il y avait des Turcs dans ces quartiers, carte blanche pour aller de l'avant aussi loin qu'ils s'en trouveraient, pour donner à ces braves gens les bienfaits de la nationalité mongole, et, au besoin, pour le leur imposer, s'ils se montraient ingrats envers leur père et mère, l'empereur par la force du ciel. Les troupes étaient ravitaillées, prêtes, les chevaux refaits. En avant. Dans cette même année où ils étaient partis de Samarcande, Djebe et Subutai arrivèrent à Tiflis, 1220. Le prêtre arménien Giragos, syriaque, qui vit l'arrivée et qui plus tard, lors de l'occupation définitive du pays, eut le désagréable honneur de servir un capitaine mongol en qualité de secrétaire réquisitionné, raconte la stupéfaction des bonnes gens devant cette foudroyante invasion et la déroute des siens. Le roi de Géorgie Lacha et le général en chef Ivané, ayant réuni leurs troupes, se portèrent dans la plaine de Kouman, où campait un corps de Mongols. Ceux-ci fondirent par derrière sur les Géorgiens et les taillèrent en pièces. Ils franchirent la chaîne du Caucase, comblant les précipices en y jetant des pièces de bois, des pierres. Soubutaï et Djébé étaient très pressés. Il fallait arriver vite en pays turc, de l'autre côté du Caucase, chez les Kipchaks. Ils avaient pris des guides en Shirvan, après avoir échelé la grosse ville de Chamakhi. Ils en avaient pendu quelques-uns pour faire comprendre aux autres qu'il ne s'agissait pas de plaisanter dans le service. Partout où ils avaient installé des darogas, préfets, sur leur route, et le populaire Hamadan soulevé, ayant poussé l'insolence jusqu'à tuer son préfet, ils avaient lancé un détachement pour exécuter militairement la ville coupable. Murs rasés, population massacrée. Quand le daroga mongol installait son yamen, bureau, tout seul entre ses deux assesseurs, bureaucrates chinois ou ouïghours, on se rappelait Hamadan. On sentait venir les gendarmes mongols, et personne n'osait plus bouger. Giragos nous donne la vive peinture de cette terreur administrative et de cette tyrannie paperassière, effroyable pour les gens du Moyen-Âge. Ce n'était pas le désordre mongol qui les terrifiait, c'était l'excès d'ordre. Partout où ces terribles administrateurs ont passé, ils ont laissé leur empreinte dans la langue par trois mots. Yasak, le règlement. Yamen, le bureau. Yam, la station de poste où on vise les passeports. D'abord, c'était le désarmement général. Puis, venait la conscription des chevaux et des mulets, et le grand fléau de la paperasserie, le cadastre, le recensement. Ils inscrivaient toutes les personnes à partir de l'âge de 10 ans, à l'exception des femmes. Ils assujettirent à l'impôt tous les artisans, les étangs, les lacs où on faisait la pêche, les mines de fer, les forgerons et les maçons. Toutefois, ils épargnaient les ecclésiastiques et n'exigeaient d'eux aucun impôt parce qu'ils n'en avaient pas l'ordre du khan, ajoute naïvement Giragos, subissant déjà lui-même, sans s'en douter, l'influence du yasak de la consigne. Les Kipchaks du Kouban, au bord de la mer Noire, les Assou, Alain, du Térek et de la Koura, au bord de la mer Caspienne, ne pouvaient se laisser surprendre. Ils savaient qu'il y avait maintenant un empereur de tous les Turcs au lieu saint de Karakorum. Depuis des siècles, tous ces hommes connaissaient la route ordinaire des invasions turques. Leurs propres ancêtres l'avaient suivie. Le Mongol allait venir, ils le savaient. Leurs bandes se rassemblèrent. Kipchak, Alain, Tcherkès, Lesguien, anciens avars. Ils allèrent attendre les envahisseurs dans la plaine du Térek, sur la route ordinaire des steppes, contents qu'ils viendraient par le nord. Avec stupéfaction, ils apprirent que ces Mongols avaient franchi l'infranchissable Caucase et qu'ils arrivaient par le sud. Devant eux couraient les agents de Djébé, s'insinuant partout, répandant l'or à pleine main, vantant la gloire nationale des Turcs. Ils disaient aux Kipchaks « Vous êtes nos frères. Les Alains sont un peuple étranger. Il ne faut pas leur donner secours. C'est avec nous qu'il faut faire l'accord. » Là, ils distribuaient des présents à tas. Les Kipchaks hésitaient. Ils étaient sensibles aux cadeaux et à la parenté, mais n'avaient pas reçu assez d'instructions pour comprendre la grande idée turque et s'éprendre tout de suite de la gloire mongole. Djébé profita de leur hésitation, lança Soubutaï sur l'armée des Alains, des Circassiens, des Lesguiens. Les vieux escadrons mongols enfoncèrent cette cohue et la sabrèrent, puis coururent tout droit à la capitale, Terki sur le Térek, qui fut emportée d'assaut. Quand les Kipchaks demeurés seuls en proie au militarisme administratif vinrent timbrer leurs chevaux, réquisitionner leurs moutons, emmener leurs jeunes gens à la corvée, enlever leur fourrage, ils s'affolèrent. Trop faibles pour lutter, n'ayant pas de cité à défendre, car ils étaient tous nomades, ces Turcs réunirent tout ce qu'ils purent sauver et s'enfuirent en masse vers l'ouest, chez leurs parents de la grande plaine du Don, les Kipchaks de la steppe, voisins des Russes. crime impardonnable pour les Mongols, désertion. Il fallait ramener au troupeau ces brebis turques égarées, châtier les meneurs, punir les ingrats. Sur ces entrefaites, on apprit qu'une certaine nation, nommée Russe, prenait les Kitchaks, qu'ils appelaient Polovski, sous sa protection et armait à force. À ces Russes-là, il était nécessaire de donner une bonne leçon pour leur apprendre à se mêler de leurs affaires et à respecter les ordres de l'empereur inflexible. On a vu plus haut la première invasion mongole en Russie. Après la victoire de la Kalka, 1223, Subutai et Djebe coururent jusqu'au Dnieper. Est-ce là qu'ils reçurent les lettres de rappel, ou se décidèrent-ils eux-mêmes à retourner? Ils étaient sûrement en correspondance avec le Tchingis Khan. Les deux héros ramenèrent ce qui restait de leurs 25 000 par le nord, et trièrent les Bulgares de la Grande Bulgarie, sur la Kama, et se donnèrent l'agrément de passer sur le ventre à des Turcs Kandli, établis de ce côté, et de tuer leur Khan, qui avait la fatuité de leur barrer le passage. Finalement, ils rentrèrent à l'Ordou du Tchingis Khan. Djebe, fourbu, mourut peu de temps après. Subutai survécut. Révolte du Kharezm. Un moment, il y eut une furieuse révolte sur le passage du champion héroïque de l'Iran, de Djelal el-Din. Pendant que les Mongols conquéraient, place par place, Urgenj, en Kharezm, 1220, le Badakhshan et les Pamirs, 1221, Balkh, Nishapur, Merv, 1221, Herat et Tous, 1221, où ils détruisirent le tombeau du grand calife Haroun al-Rachid, Djelal ed-Din rassemblait ses fidèles, traversait le sud de la Perse, ralliait les Atabeks et soulevait le pays de Ghazna et Kaboul. La première armée que le Tchingis Khan lança contre ce Turc extraordinaire, qui ressuscitait le vieil Iran, se fit battre. Bataille de Eft Pervan. Les sept petits défilés. 1221. On vit alors ce qu'était réellement un empereur inflexible. Les vrais hommes de guerre, les Moukouli, les Djebe, les Subutai, bataillaient dans l'ouest lointain et en Chine. Le Tchingis Khan n'avait pas de talent militaire et le savait. Il voulut vaincre et tout plia devant sa volonté. À Bamiyan, son petit-fils, l'enfant de son fils favori, de Toulouille, fut tué. L'empereur monta le premier à l'assaut, nu-tête, et emporta la ville. Les troupes le suivaient, ravies, enthousiasmées. Djelal ed-Din fut culbuté de Ghazna, poussé jusqu'à l'Indus, acculé au grand fleuve qu'avait franchi avant lui Alexandre de Macédoine et Mahmoud de Ghazna. Il se battit en désespéré, puis, la bataille perdue, ne voulant pas se rendre, sauta, tout armé, sur son cheval bardé, dans le fleuve des héros. « Voilà un garçon comme un roi doit souhaiter d'en avoir », dit le Tchingis Khan à ses enfants qui l'entouraient. Après avoir rendu hommage à la bravoure de Djelal ed-Din, il lança un détachement à sa poursuite, de l'autre côté de l'Indus. Décembre 1221. C'était une formalité, une prise de possession au nom de ses successeurs. Timur, au XIVe siècle, Babert, au XVIe siècle, eurent un titre pour conquérir l'Inde. La répression du soulèvement fut terrible. À Balkh, à Merv, tout fut massacré. Bamiyan, rasé, dut changer de nom et s'appeler Mao Balik, la ville maudite. L'exemple fait, le pays terrorisé, convaincu que l'empereur inflexible était vraiment la force du ciel, Temujin pacifia et réorganisa. De 1222 à 1224, le siège de son administration fut en Kohistan, dans les montagnes du sud de Samarcande, aux endroits où il ne faisait pas trop chaud. Il y installa son gouvernement, avec ses conseillers païens, chrétiens et musulmans, tenant la balance égale entre tous. Au plus fort du soulèvement islamique, jamais il ne sévit contre le clergé musulman. C'est l'honneur des Mongols devant l'histoire de ne s'être jamais laissé entraîner à une guerre de religion. Dernières années de Gengis Khan. Maintenant, tout était en ordre en Asie. Depuis le Nanlou et le Pelou jusqu'à la Caspienne et en Caucase, les Turcs dominaient, l'Iranien était réduit, le Mongol reconnu. Le Tchingis Khan retourna au pays, février 1225. Jamais on n'y avait vu paix aussi profonde que pendant ces formidables guerres. De l'année du dragon à l'année du chien, pendant 19 ans, le souverain mit ordre et loi parmi son grand peuple, établit l'empire et son gouvernement sur solides piliers, procura travail paisible à pied et à main, éleva le bonheur et la prospérité de tous et d'un chacun de ce grand peuple, à tel point que rien ne peut se comparer au bonheur du Khagan et de ses sujets. Ses fils, à l'exception de Djoudji, resté dans l'ouest, en Kharezme, l'avait rejoint dès le commencement de 1223. Djoudji étant mort à Serail, sur le Bas-Volga, son fils, Batou, reçut de l'empereur l'investiture des dignités et du pouvoir paternel en Kipchak, en Pelou. Le Tchingis Khan installa son cadet, Jagatai, qui prit résidence dans Al-Mali. De là, il gouvernait le Turkestan, la Transoxiane, le Khorasan, surveillait l'Irak, les Indus de Roum et la féodalité des Atabeks, en pays iranien. L'empereur emmenait avec lui les deux plus jeunes, Ogodaï et Touloui. Il était temps qu'il revînt. Moukouli venait de mourir en Chine. Le propre frère du Tchingis Khan, le légendeur et fidèle Djoudji le Tigre, tenu à l'écart de toutes ses conquêtes, désœuvré, s'ennuyant, se mêlait d'intrigués, se faisait un parti. Enfin, les gens de Ya, alliés suspects, et les sauvages tibétains, n'entendant plus parler au fond de leurs montagnes ni d'empereur, ni d'armée, sachant Moukouli mort, voyant les affaires balancées entre les Mongols, les Qing et les Song, crurent que l'heure était arrivée pour eux. Leur roi, Srong, ou Chidurgo, le Franc, lâcha ses bandouliers, qui coururent jusqu'au coude du fleuve jaune. Avec son bon sens ordinaire, le Tchingis Khan s'occupa d'abord de mettre l'ordre dans sa maison. Il envoya le plus persuasif des ambassadeurs, Subutai. Le Tigre, éperdu, ne fit pas mine de résister, demanda pardon à son bon frère, pleura, jura qu'il ne le ferait plus. Cette affaire réglée, Subutai partit pour la Chine. Lui seul était capable de remplacer Moukouli. Ces braves Qin se défendirent jusqu'à la mort. En 1234, leur dernière ville, Tsai Cheu, tenait encore contre les Mongols et les Chinois, Song, coalisés. Quand il vit les ennemis dans la place, le roi Haizong, de son nom mandchou Nikiazu, rassembla ses objets les plus précieux et y mit le feu. Quand la flamme les eut consumés, il se pendit dans son palais. Son général, Ozi, dit aux autres généraux et soldats « Le roi est mort. Je ne veux pas mourir de la main de soldats ivres. Je suis vraiment maître. » Il se jeta dans le tout haut et se noya. Les capitaines s'écrièrent « Tous nos chefs sont morts, leur survivrons-nous ?» Tous, plus de 500, se précipitèrent dans l'eau. Le cousin de Ninkiazu, Chen Ling, fut tué les armes à la main. Jian San, seul, resta près du cadavre pour le garder et fut pris par l'ennemi. « Mon roi est mort ici, dit ce brave, j'attends que ce feu n'ait plus que des cendres. Je veux rassembler les os et leur donner la sépulture. » Au soldat qui lui apporta ces paroles, le général mongol dit « C'est un homme de cœur, laisse-le faire. » Jian San, alors, enveloppa le corps du roi dans les vêtements qui lui restaient et l'enterra sur la rive. S'étant prosterné une dernière fois, il pleura et se jeta dans la rivière. Les Mongols tenaient la Chine du Nord. Les Song triomphaient. Leur tour n'allait pas tarder à venir. Le Tchingis Khan ne devait pas voir ce grand triomphe. Pendant que Subutai bataillait en Chine, lui-même était parti pour en finir avec les gens de Ya, leurs pilleries et leurs éternelles rébellions. De 1225 à la fin de 1226, le pays de Ya, le Houxi, à l'ouest du fleuve, des Chinois entre Ho-Hang et l'Hexapole, fut effroyablement saccagé. On extermina les brigands d'Alashan et de Kansu, si terriblement qu'aujourd'hui encore, d'après un voyageur, les gens d'Alashan entendent hurler dans le désert les âmes des peuples massacrés par les Mongols. L'ordre établi dans le Hoshi, le Chinggis Khan partit pour une tournée d'inspection en Chine. Il tomba malade en route et mourut dans une bourgade quelconque du Shanxi. Un parti voulait emmener le corps sur son char funèbre garni de 5 étendards à la capitale turque, à Karakorum. Le char refusa de bouger. Alors, le vieux compagnon d'armes du Chinggis, le vieux Kilukhen, apostropha l'empereur. « Fils du ciel, veux-tu rester seul ici, abandonner ton grand peuple ?» Deligum Buldak, au bord de l'Enon, le lieu de ta naissance, tout est là-bas. Le pré de Kerulen, où tu as été proclamé empereur, tout est là-bas. Ton grand peuple très fidèle, tout est là-bas. Le char, immobile, prit mouvement, roula vers Deligum Buldak. Le parti mongol l'emportait sur le turc. Le corps du fondateur de l'Empire n'irait pas à Karakorum. On pouvait dès lors prévoir que Karakorum, la Turque, ne serait qu'une capitale d'occasion, que le trône impérial n'y resterait pas, irait en pays chinois, à Pékin, car d'établir une capitale à Deligum Buldak, il ne pouvait être question. Il fallait choisir entre l'Ouest et l'Est, entre l'Asie turque et la Chine. Les Mongols choisirent la Chine. Le lendemain de la mort de Chinggis, la dissolution de son empire était inévitable. Fin de la section 86.